En raison du mouvement social à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le programme prévu. En lieu et place, nous vous proposons une nouvelle écoute. Une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous avons fait avec Ilana Navarro et Annabelle Brouard une traversée dans le Paris du Second Empire, à travers l'histoire de l'art, l'orientalisme et le monde des courtisanes. Nous avons découvert l'histoire du tableau L'origine du monde et de son modèle, Constance Quéniaud, une danseuse d'opéra et courtisane de Raleigh Bay, un bien énigmatique collectionneur d'art. Aujourd'hui, dans le second épisode, nous suivons la trace de Raleigh Bay et de sa future femme, la princesse Nazlie. Mémoire d'un journaliste parisien. Il se nommait Khalil Bey. Il venait de faire un héritage qui le mettait en possession de 10 millions de francs. Dès que Khalil Bey fut arrivé à Paris, sa réputation d'homme du monde et d'homme d'esprit ne fut pas longue à s'établir. 4 ou 5 ans durant, il n'a été question que de son luxe et de ses folies. On était tout étonné de trouver dans la bouche d'un Turc toutes les fines appréciations qui ne sont de mode que dans les cercles de notre capitale. Khalil Bey achetait des tableaux qui n'étaient pas tous de ceux qu'un mari laisse voir à sa femme. Et jetait si orientalement son argent par les fenêtres. Les Parisiens ne se sont pas attristés du sort de Khalil Bey, le dandy ottoman qui avait tout perdu au jeu et qui, en quittant Paris, avait dû vendre toute sa collection, y compris l'origine du monde de Gustave Courbet. En fin de compte, même si sa maîtresse Constance Quéniaud n'était plus là pour lui porter chance, le Turc des grands boulevards pourrait se consoler dans les bras de la multitude de femmes qui, à n'en pas douter, l'attendaient chez lui à Istanbul. Pour les Français, c'était un peu comme si Khalil Bey s'était évaporé dans le bain turc d'Ingres, qui fut, dans la vraie vie, un des chefs-d'œuvre de sa magnifique collection. Mais non, la princesse Nazlı que Khalil Bey épousa n'était pas une odalisque et ne sortait pas d'un tableau orientaliste. Ah voilà. Alors ça, c'est la princesse Nazlı dans toute sa splendeur. Elle n'avait rien à voir avec cet imaginaire occidental. Même si, de l'Occident, elle n'hésitait pas à prendre ce qui l'intéressait. Un peu comme son arrière-grand-père, Mehmet Ali Pacha, le premier khédive d'Égypte qui défia le sultan ottoman. Et c'est la princesse elle-même, jeune fille, avant son mariage. Elle est habillée aussi avec une robe à l'occidentale. Elle avait la même couturière que la princesse Eugénie. C'était en 1869. Nazlı était loin de s'imaginer qu'un jour, elle serait considérée comme une des inspiratrices du féminisme dans le monde arabe. Vous apprécierez aussi son élégance. Elle monte à cheval à l'anglaise, donc elle n'est pas en Amazone. C'était une très bonne cavalière, paraît-il. Le modèle, la princesse et le dandy ottoman. Deuxième partie, Nazlı, le harem revisité. Il n'y a pas d'équivalent ottoman de la princesse Nazlı. Les femmes de la dynastie égyptienne, de la famille khédiviale, sont très libres. Elles circulent où elles veulent, elles quittent le pays, elles s'installent, elles vont jouer à Monaco, etc., à Nice. Elles se comportent un peu comme les familles régnantes d'Europe. Et Temeldem, la princesse Nazlı, historien de l'Empire ottoman. C'est une femme du monde occidental qui a les moyens économiques, mais aussi politique, de circuler en Europe d'une manière qui est tout à fait impensable pour les princesses ottomanes. La famille régnante ottomane, elle, reste emprisonnée dans son propre palais, et ce n'est qu'avec la révolution jeune turque, en 1908, que l'on verra certains membres de la famille s'émanciper au point d'acquérir un rôle public, etc. Tandis que, pendant le 19e siècle, il n'en est pas question. Son père, Mustafa Fazıl Paşa, était conservateur. Zeynep İnankur, historienne de l'art. Mais il a élevé sa fille Nazlı de façon très libre. Elle allait au centre-ville à cheval. Elle parlait plusieurs langues. Elle fréquentait beaucoup d'étrangers, des Anglais, des Français. Tout le monde la connaissait. On lui rendait visite. On la complimentait. Elle était vraiment très occidentalisée, très moderne. Mais quoi qu'elle fasse, elle a dû tout de même avoir une vie enfermée. Bon, elle se baladait à cheval, mais je ne crois pas qu'elle pouvait fréquenter qui elle voulait. Et si les étrangers s'y intéressaient autant, c'est qu'elle maîtrisait plusieurs langues. Donc, elle était pour elle une source d'information, notamment sur la vie des Ottomans et de leurs femmes. Pour montrer que sa famille était à la hauteur de n'importe quelle famille régnante d'Europe, la princesse Nazlı souhaita commander son portrait à un peintre. Une peintre en l'occurrence, parce que la princesse habitait quand même dans un harem qui, même s'il ne ressemblait pas du tout au bain turc d'Ingres, ni aux centaines de tableaux orientalistes qui ont fait fantasmer les Européens, était un lieu exclusivement féminin. Aucun homme, même un peintre, n'aurait jamais pu y mettre les pieds. Mais il arrivait que des peintres femmes occidentales y soient invitées. C'était le cas de la peintre danoise Elisabeth Jericho Baumann, qui fut recommandée à Nazlı par la princesse de Galles. La peintre, Elisabeth, écrivait des lettres à son mari racontant ce monde interdit aux hommes. Mais décrivait-elle ce qu'elle voyait ou ce qu'elle s'imaginait ? Quand la porte du salon s'est ouverte, j'ai aperçu l'étoile de mes rêves d'Orient. C'était Nazlı, la nièce du Khédive d'Égypte, qui se tenait devant moi, avec la dignité calme d'une turque ottomane d'une grande famille. Nazlı, bien que n'ayant que 15 ans, avait déjà tout d'une femme, mélangeant merveilleusement les influences européennes et orientales. Ses mouvements étaient tantôt équilibrés, lents et délicats, tantôt agiles et souples, puissants, comme une panthère. Son éducation rigoureuse à l'européenne ne suffisait pas à masquer la part turque de cette fille et rendait sa présence divine, presque ensorcelante. Cette présence si pure et si intense était le fruit de ce harem. Elisabeth Jericho Baumann écrit une lettre à son mari à Copenhague en disant « Je suis tombée amoureuse d'une très belle princesse turque. » Mary Roberts, historienne de l'art. On a l'impression que la peintre est emportée par un fantasme style Mille et une nuits. Elle est apparemment très intriguée d'avoir eu accès au harem qui est un lieu clos. Elle observe aussi que Nazlı a plusieurs chambres. Dans l'une d'elles, elle a un piano et elle donne des concerts à ses amis. C'est meublé à l'européenne. Donc forcément, elle doit avoir des éléments d'occidentalisation dans cet environnement. Mais ce qui la transporte est plutôt le fantasme. J'avais promis à la princesse Nazlı de lui montrer mes peintures. Et voilà que tout le harem voyait pour la première fois la représentation d'un visage humain. Leur fascination pour mon travail était si naïve. Une des dames a même essayé de toucher la robe en soie peinte sur le portrait de la princesse de Galles. Nazlı est clairement intéressée par la peinture. Quand elle invite Elisabeth Jericho Baumann, elle lui demande d'emmener certaines de ses peintures avec elle dans le harem. Elle collabore pour convaincre son père et sa mère pour que Nazlı puisse avoir un portrait dessiné. Il existe certains portraits des femmes de l'élite, mais à cette époque, c'est extrêmement rare. En tout cas, ces portraits ne quittaient jamais le palais. Elles restaient dans le harem, souvent elles étaient couvertes d'un rideau pour que les gens qui travaillaient dans le palais ne puissent pas les voir. Ou bien, elles étaient gardées dans des armoires. On veut avoir de l'opérette, on veut avoir de la musique. Toutes les princesses de l'époque jouent du piano, connaissent un peu les classiques, ou plutôt la musique qui est en vogue à cette époque-là. Elles savent toutes jouer des polkas, des mazurkas, etc. Mais elles n'ont pas vraiment de terrain de liberté où elles pourraient appliquer ces nouveaux savoirs, ces nouveaux talents, ces nouveaux goûts en dehors du harem. Vous l'aurez compris, Nazlı avait beau être la plus libre des princesses ottomanes, elle n'échappait pas au mariage arrangé. C'est là qu'elle croise le chemin de Halil Bey, connu à Istanbul comme diplomate, et pas du tout comme le dandy collectionneur des grands boulevards parisiens, et surtout pas comme le commanditaire de l'origine du monde de Gustave Courbet. L'origine du monde ne revient pas à Istanbul avec Halil Bey. C'est impossible que Nazl l'ait vu. Elle ne savait pas grand-chose de la réputation de son mari à Paris, en tant que Turc du boulevard, le grand joueur, le dandy avec plusieurs maîtresses. Nazl ne savait rien de tout cela. Le mariage a lieu en 1872. Dans un contexte politique où l'Empire ottoman est à la croisée des chemins. Halil Bey fait partie en fait de cette bureaucratie éclairée du XIXe siècle. C'est un contemporain de la plupart des hommes d'État que l'on associe avec ce que l'on appelle les Tanzimat, c'est-à-dire cette phase de réorganisation et d'occidentalisation qui débute à la fin des années 1830 et qui atteint son apogée dans les années 1850-60. Donc c'est vraiment le bureaucrate, homme d'État type, pour qui la transformation de l'Empire ou de l'Égypte, puisqu'il navigue entre les deux, doit se faire par le haut et sous tutelle occidentale, du moins intellectuelle. C'est-à-dire qu'on reprend à son compte les valeurs, les normes de l'Occident et par conséquent, on essaye de manière très orientaliste, de libérer son propre pays des tares de l'Orient. C'était donc important pour la princesse Nazl et Halil Bey de célébrer leur mariage de façon totalement occidentale. Ça a été le premier mariage célébré à l'européenne. La mariée était en blanc, avec un trousseau européen. Sinan Kuneralp. Chose totalement inédite lors de la cérémonie nuptiale. Historien. Halil Bey a offert son bras à la mariée. Et encore une nouveauté dans la société ottomane où les sexes étaient compartimentés. Quelques semaines après les noces, Halil Bey et sa jeune épouse sont allés en couple dîner chez l'ambassadeur anglais. Ça avait scandale. Les femmes musulmanes ne pouvaient pas être en compagnie masculine hors de leur propre famille. Un journal d'Istanbul qui a rapporté le dîner, s'est vu infliger une amende et une interdiction de publication pour une semaine. On racontait toujours que les Égyptiens sont arrivés et ont perverti l'Istanbouliote parce qu'ils avaient une fortune considérable et qu'ils paradaient en l'exposant. Leurs mœurs étaient plus libres aussi. On raconte que dans leur maison, sur le Bosphore, à Bouyekdere, les invités se succédaient. Il y avait des fêtes sans cesse. Leur palais était toujours éclairé. Sortons sur le balcon. Regardez, la maison de Halil Bey est à ma droite. C'est là que Nazlı est allée quand elle s'est mariée avec lui. C'est d'Afin de Clé. Du côté européen du Bosphore. Et là, la résidence d'été de Halil Bey est plus loin, à ma gauche, vers la mer Noire, sur la rive européenne, à Bouyekdere. Pour Halil Bey, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle dans la tradition ottomane un damad, c'est-à-dire un gendre. Et le gendre d'Ahmad, c'est un statut très particulier. C'est celui de l'homme politique qui, en épousant une princesse ottomane, et ça depuis le XVIe siècle, acquiert une reconnaissance de son statut de pacha. Ça participe encore de cette logique de l'acquisition d'un statut et d'une forme de pouvoir par un homme à travers le biais d'une femme qui, elle, est bien née. Les jours passent. La princesse Nazl, qui s'imagine être la plus moderne de son empire, se retrouve dans un mariage étouffant. Un jour, son amie peintre, Elisabeth, revient la visiter. Elle pense qu'elle peut se confier à elle en toute sécurité. Après tout, c'est Elisabeth qui avait donné vie dans ses tableaux à une Nazl digne, moderne et émancipée. Ô Nazl, comme vous devez vous languir parmi les barbares. Vous qui rêvez de l'inconnu d'un monde dont vous ne connaissez qu'une infime partie. vous ressemblez à une perle rare, maintenue captive par un coquillage en or. Quel sera votre destin ? La princesse ne s'imagine pas que le regard d'Elisabeth l'enferme à son tour dans une cage dorée. Et pas une seconde, elle ne pense qu'elle va la trahir. Quand Elisabeth Jericho-Bauman retourne en Europe, elle réalise qu'elle peut gagner beaucoup d'argent en faisant des peintures stéréotypées de l'odalisque, de la vendeuse de céramique, de l'image beaucoup plus sexuelle de la femme ottomane. Et donc, elle fait une peinture qu'elle nomme la princesse Nazla. On voit une jeune femme allongée dans une robe transparente où l'on voit ses seins. Elle regarde le spectateur d'un air séducteur pendant qu'elle caresse la tête de son singe domestiqué. Derrière elle, on voit un rideau délicatement relevé et l'on aperçoit sa servante noire. Cette image est évidemment très stéréotypée de la femme du harem. Les critiques disent que son exposition est très intéressante parce que cette femme a vraiment pu entrer dans un harem. Nazl aurait évidemment été terriblement déçue. D'abord parce qu'elle n'avait jamais posé pour une telle peinture qui fût exposée en Europe. Aussi parce que cette représentation biaisée l'enferme dans une image érotisée d'une femme qui est hors du temps, qui porte des habits traditionnels et qui incarne un fantasme d'une odalisque indolente. Quand elle posait en tant que modèle face aux peintres et aux photographes, elle s'habillait selon ce qu'elle considérait être extrêmement à la mode, c'est-à-dire soit en mélangeant des styles européens et traditionnels, soit en robe occidentale. C'était ça l'image de sa modernité. Je pense qu'elle aurait été stupéfaite de se voir ramenée à cette image d'objet érotique du regard occidental. Heureusement pour la princesse Nazle, à cette époque, il n'y avait pas Internet. Et elle n'a probablement jamais su qu'elle avait été réduite à une simple odalisque sur une peinture orientaliste. De toute façon, elle était trop occupée à construire sa propre image en tant que femme moderne de l'Empire ottoman ou de ce qu'il en reste. Surtout après la mort de son mari, Halil Bey, quelques années plus tard. Ce dernier avait laissé derrière lui sa seule fille, Leyla Shérif, née de sa relation avec la courtisane Jeanne de Tourbet. La princesse Nazle embarqua Leyla avec elle au Caire, sa ville natale. Enfin libérée, elle pouvait réfléchir à sa vie, à la trace qu'elle voulait laisser. After her husband's death in 1879, we know that sometime in the early 1880s, Nazle moves. Après la mort de son mari, en 1879, Nazle s'installe au Caire. Elle lance ses salons littéraires et devient une figure importante là-bas, surtout dans la haute société du Caire. Dans ses salons, elle invite tout genre de personnalités politiques. Elle est aussi très amie avec les écrivains égyptiens de l'époque. Elle est quelqu'un de très actif, et ses salons deviennent des lieux d'un véritable bouillonnement intellectuel. C'est extrêmement rare à cette époque qu'une femme musulmane anime ce genre de salon où sont invités des hommes et des femmes. Ce qui est intéressant, c'est que la période où Nazli crée un salon littéraire, d'abord elle n'est pas la seule. Lilia Labidi. Plusieurs salons sont ouverts aussi bien en Égypte qu'en Syrie, qu'au Liban. Anthropologue et ex-ministre tunisienne des femmes. Où les femmes jouent un rôle important. Où les femmes vont également créer des journaux, les femmes vont publier des essais. Et donc, ces salons ont permis l'émergence d'une nouvelle élite engagée pour l'indépendance de ces pays. Et à côté de ces salons, il y a un appel pour que les personnalités, les femmes, prennent des photos de leurs portraits et les exposent dans leur foyer, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas simplement posés, exhibés dans des endroits isolés ou retirés, mais dans la salle ou commune où tout le monde passe, etc. Et c'est ça qui est intéressant parce que Nazli va aussi faire ses portraits et elle va les distribuer à ses amis ou ses invités, etc. Donc la photo, la biographie sont des vecteurs de modernité et d'émancipation. So Princess Nazle has this expansive sense of the world. La princesse Nazle est ouverte aux idées du monde. Et elle adore transgresser les règles, aussi bien les règles de sa propre société que de la société occidentale, enfermée dans son regard sur les femmes en Orient. But there's two photos of Princess Nazle. On retrouve certaines photos d'elle prises dans un studio au Caire. Dans l'une d'elles, elle est assise devant un fond classique à cette époque, où l'on voit des dessins de palmiers et de pyramides. Elle porte un manteau d'homme ottoman et elle est coiffée d'un fez. Devant elle, agenouillée, une femme qu'on imagine être son amie. Elle pose comme si elle était un maître de harem avec sa femme. On voit sur cette photo que Nazle est très rusée, parce que ce studio photo est sans doute destiné à reproduire les images clichés de la femme orientale. Ça en dit long sur son regard critique. Ce que l'on voit apparaître en Égypte, comme dans l'Empire ottoman, dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est le désir par certains membres de l'élite, femmes ou hommes, d'octroyer à certains membres du sexe faible, comme on disait, une plus grande visibilité, un accès à certains privilèges, etc. Les salons littéraires, ce que l'on appelle les salons littéraires du Caire, d'Alexandrie ou de Constantinople à la fin du XIXe siècle, ce sont des salons où des gens extrêmement occidentalisés, souvent sur-occidentalisés, se fréquentent entre eux, et parle de modernité, parle d'utopie, généralement en présence d'étrangers. On aime beaucoup intégrer le corps diplomatique occidental, les intellectuels de passage, etc. Tout le monde se bat pour avoir Pierre Loti chez eux. Ça fait partie de ce rituel, en quelque sorte, d'essayer de se convaincre de ce qu'on a un projet d'avenir, mais sans jamais se soucier de la manière dont ce projet sera vraiment appliquée. Et par conséquent, quand on parlait d'émancipation, on parlait en fait de son émancipation. Mais même dans le cas de la révolution kémaliste, il faut bien savoir que l'émancipation de la femme se fait par le haut et par le désir et la volonté de l'élite qui est essentiellement masculine. Et par conséquent, ce sont des choix très ciblés. On veut avoir une femme, la première femme avocat, la première femme pilote, la première femme je ne sais quoi, et on ne se soucie guère de ce qui suit après ce premier exemple. Ça n'est pas vraiment de l'émancipation. Donc c'est là tout le problème de la modernité par le haut. La princesse Nazle était-elle féministe dans le sens que l'on entend aujourd'hui? Ou bien était-elle juste pour sa liberté individuelle? Proche des Anglais ou contre les colons? En tout cas, 20 ans après la mort de Halil Bey, la princesse n'a plus envie de subir aucune contrainte. C'est le livre d'heures du musée de l'Alhambra, en Espagne. Nazle s'y rend. Vous voyez sa signature là. La signature qui est là, c'est sa belle-fille, c'est-à-dire la fille de Halil Sherif, Leila Sherif. Et la troisième signature, vous voyez là, c'est une signature d'Ottoman, Ali Kemal. C'est son gigolo, à la princesse Nazle. Ils voyagent comme ça, la maman, la belle-fille et le gigolo. Pour ajouter encore au côté cocasse, le gigolo en question, c'est l'arrière-grand-père du premier ministre britannique, Boris Johnson. Et là, c'est quelque chose de très intéressant également. À Tunis, une fameuse bibliothèque, la Haldounia. Et qu'est-ce qui trône au-dessus des rayonnages? C'est la princesse. Paradoxalement, des trois pays où elle a vécu, donc l'Égypte, Istanbul et la Tunisie est le pays où elle a laissé un souvenir le plus vivace. Et quand elle était venue en Tunisie, elle avait tout de suite remarqué qu'elle ne pouvait pas circuler comme elle le souhaitait si elle n'était pas mariée. Et c'est pour ça, probablement, et très certainement, qu'elle a cherché à se marier et qu'elle a épousé Khalil Bouhaj, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, d'au moins 20 ans. À partir du tout début du XXe siècle, la princesse mena sa vie entre l'Égypte et la Tunisie, faisant des dons par ici pour la création d'écoles pour filles, contribuant par là à faire traduire et publier des livres pour des bibliothèques. Elle est citée dans de nombreux ouvrages sur l'histoire des femmes en Tunisie. Peut-être pas comme la plus révolutionnaire, mais comme un symbole avant l'heure d'une potentielle liberté. Parmi l'élite, la Turquie à ce moment-là était quand même beaucoup plus avancée que la Tunisie. Et bien sûr, pour eux, la Turquie constituait un modèle. Mais en même temps, c'était aussi parce que c'était un pays musulman et que donc il avait une vision et un projet nouveau de société, de modernité, etc. Et c'est à ces deux niveaux-là, donc musulman et ouvert sur une modernité, que les Tunisiens recherchaient un modèle dans le modèle turc également. Nazlı était intéressée par tout ce qui était religieux quand elle était venue en Tunisie. Elle avait cet intérêt pour la relecture des textes. Comment faire ? C'était une question qui préoccupait de nombreux intellectuels à cette époque-là. Quelles étaient les causes qui avaient fait que le monde arabe était en retard ? Pourquoi l'Occident avait pu se développer et pas le monde musulman ? Et donc, c'était ces questions-là qui intéressaient les Tunisiens. Et donc, Nazlı représentant ces questions, elle devenait fascinante pour ces hommes-là. Derrière cela se cache une forme d'orientalisme. Déjà parce que le principe de base, c'est que tout le monde est conscient, ou du moins pense, que l'islam est le principal obstacle à l'émancipation de la femme. C'est là le problème majeur de la modernité et de l'occidentalisation dans l'Empire ottoman et en Égypte. C'est-à-dire que ils sont tous conscients du fait que l'islam, parce qu'ils épousent des principes orientalistes occidentaux, ils ont tous l'impression, ils sont tous convaincus de ce que l'islam est le problème. Or, l'islam, ils ne peuvent pas l'attaquer de front, puisque eux-mêmes représentent une élite, un État qui revendique encore une identité et une légitimation islamique. Et par conséquent, ils vont essayer de naviguer autour, de louvoyer autour de ce problème, la plupart du temps en invoquant le discours qui tente à prétendre que l'islam a été dégénéré par des siècles d'usage plus ou moins dérivés et que par conséquent un retour aux origines de l'islam serait probablement une formule permettant de remettre les pendules à l'heure et de corriger tous les défauts que l'on observe au XIXe siècle dans cette société. Nazlı a joué un très grand rôle au niveau de l'imaginaire masculin, de l'élite de cette époque-là. Mais en même temps, on a l'impression que les intellectuels tunisiens ont pris sur eux-mêmes la lutte pour les droits des femmes, ce qui fait que en Tunisie, par exemple, en 1956, au moment de l'indépendance, la Tunisie va promulguer le code du statut personnel avant même la publication de la Constitution. Je me suis intéressée à l'histoire du féminisme dans la région parce que j'avais très très vite vu combien il était important de retrouver cette histoire et de donner des modèles aux nouvelles générations. Et ce qu'une femme a pu faire au début du siècle est certainement différent de ce qu'une femme peut faire aujourd'hui, sauf que la femme d'aujourd'hui n'aurait pas pu le faire et ne peut pas le faire si il n'y avait pas eu tout le travail antérieur fait par ces femmes et des femmes comme Nazlı. Une histoire particulière. Le modèle, la princesse et le dandy ottoman. Avec Claude Schopp, Ethem Eldem, Isolde Pludermacher, Bertrand Tillier, Marie Roberts, Zeynep Inancourt, Sinan Kuneral et Lilia Labidi, avec les voix de Lara Brühl, Cécile Lafont et Anne-Lise Signoret. Prise de son Benjamin Vignal, Déborah Dagobert. Mixage Guillaume Ledu. Documentation Antoine Villoz. Coordination Daphné Abgral et Christine Bernard. Un documentaire d'Ilana Navarro, réalisé par Annabelle Brouard. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous parlerons de l'auteur de cette citation. Quand mon verre est vide, je le plains. Quand mon verre est plein, je le vide. Mais c'est une autre histoire. En raison d'un appel à la grève, le cours habituel de vos programmes est modifié. Cette émission vous était proposée en nouvelle écoute.